Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau débat comics. Alors, aujourd'hui, j'ai Dorothy avec moi. Salut à toutes et à toutes. Alors, tu remarqueras que je fais de plus en plus d'efforts, mais que j'ai toujours un moment de doute. C'est vrai, mais là, j'étais prêt, comme d'hab, prêt à dire non, tu t'es trompé. Mais tu t'es pas trompé, je suis d'accord. Je crois que c'est la troisième fois de suite, c'est pas mal. Ça, on commence à prendre le rythme. En même temps, ça fait quand même presque 6 mois que je suis là, ouais. Puis juin, juillet. Pas mal quand même, je commence à m'intégrer à l'équipe. Septembre, bah, très bien, ça fait 4 mois, je suis très fort, excellent. Le temps passe tellement vite avec toi, avec vous. Du coup, on se retrouve aujourd'hui à deux et on va voir une émission très chaîne info, j'ai envie de dire, parce qu'à un moment ou à un autre, on est obligé d'arriver et de faire des débats très sérieux sur l'actualité. Et aujourd'hui, ben c'est pas, il va y avoir un débat, enfin un débat, il va y avoir, allez, on va dire qu'il va y avoir deux gros sujets et un petit sujet. Donc le petit sujet, c'est sur le palmarès du FIBD de cette année, qui était pas mal. Donc ça c'est le petit sujet. Le deuxième sujet, ça va être les chiffres BD de 2020, parce qu'il y a pas mal de surprises là-dessus, mais on va revenir plus en détail. Et le troisième sujet, c'est un sujet qu'on en a déjà un peu parlé, mais qu'on va reprendre, c'est la précarité au niveau des auteurs. Donc voilà, trois gros sujets. Est-ce que t'es prêt? Moi, je suis toujours prêt. Hein. Gros sujet, mais on va essayer de faire au mieux. Hein. Eh bien, écoute, tant mieux. Donc, du coup, c'est parti. Je vais essayer d'y introduire un petit jingle BFM. Allez, donc, c'est parti pour la toute première partie d'émission. Donc, le Festival International de la BD d'Angoulême a eu lieu, en tout cas pour cette première partie, en ligne. Je ne l'ai pas regardé, du coup. On essaiera de se déplacer pour la deuxième partie qui se déroulera du 24 au 27 juin 2021 à Angoulême s'il n'y a pas de confinement, s'il n'y a pas de couvre-feu, s'il n'y a pas toutes ces merdes, en fait. Et voilà. Mais à savoir que tous les prix ont été décernés. Le marché aux affaires, c'est là où il y a toutes les transactions des séries sur, majoritairement, j'ai envie de dire, sur l'année 2021. A été fait en ligne également, donc voilà. Donc bref, on va revenir sur ce palmarès. Donc ils ont un grand prix, hein, donc le prix du meilleur album, le Fauve d'or, et après ils ont plusieurs petits prix, donc le prix spécial du jury, le prix de la série, le prix révélation, prix jeunesse 8-12 ans, prix patrimoine, prix de l'audace, FOF Polar SNCF, prix jeunesse 12-16 ans, prix de la bande dessinée alternative, le FOF des lycéens, donc ça c'est un nouveau, ça n'était pas l'année dernière il me semble, et celui-là aussi il est nouveau, c'est prix du public France Télévisions. Donc voilà. Toi, Angoulême, t'es jamais allé, hein, du coup, Baptiste. Je n'y suis jamais allé. J'espère pouvoir y aller un jour, hein, rapidement. Enfin, rapidement. T'as compris, quoi? Voilà. Mais ouais, c'est un festival qui me tente énormément et j'ai jamais pris le temps parce que souvent, ben, je bosse ou j'ai fait d'autres trucs et je suis jamais allé, quoi. Si tu viens un jour avec nous, c'est 3 jours en non-stop et à la fin, tu es lessivé. Très bien. C'est ça qu'on veut. Et tu auras fait 30 km dans le week-end. Pas mal. Ça commence à faire. C'est... En plus, 30 km, j'imagine, où tu bouscules des gens, t'as chaud, c'est... Ah non, parce que... alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude du festival d'Angoulême, ce n'est pas un festival qui se passe pas dans une salle des fêtes ou un parc des expos. Il se passe dans la ville entière, où en fait, on passe notre temps à naviguer. D'accord, ok. Donc, si tu veux, tu vas voir tout ce qui est salon presse qui va se trouver à la salle des mariages de la mairie. Et puis après, ben, tu vas te déplacer tout ce qui est BD franco, enfin, tout ce qui est BD alternative se trouve à 10 pas de la mairie, donc ça va assez vite. Tu dois faire 300 à 500 mètres pour aller dans le coin comics. Et tu dois faire entre 2 et 3 km pour aller à l'espace manga. Tu as des conférences qui vont se faire au niveau de, des différents lieux que j'ai dit, mais tu en as aussi qui vont se faire au niveau du conservatoire de musique qui est à 300-400 mètres de la mairie. Tu vas avoir d'autres choses qui vont se passer dans le centre culturel. Et donc là, c'est à 200-300 mètres de la mairie. Enfin bref, rien réuni, tu passes ton temps énormément à marcher. Et Angoulême, ce n'est pas une ville plate, c'est plutôt comme Hoche. De temps en temps, ça va monter, mais quand je te dis monter, c'est que tu montes, hein, y a un joli pourcentage de côte. Et pour descendre, pareil, tu as un joli pourcentage de côte. Donc, tu passes beaucoup de temps à marcher. Oh, c'est cool, ok. Enfin, je n'avais jamais vu ni rien. Donc, mais ouais, ça a l'air vraiment intéressant. En plus de. Mais ça change des. C'est bien, c'est pas dans une salle des fêtes, ni rien, quoi. Enfin, salle des fêtes. Des expos, ouais. Des trucs comme ça, quoi. J'ai fait un festival de jeux de société comme ça. Appartenait, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le même esprit dans le ville-village. Tu te balades et tout, t'as des stands. Et tu vois que la ville respire à la BD. C'est fou. Ouais. Sur les devantures du boucher, tu vas trouver un dessin des Schtroumpfs. Enfin voilà, tout respire la BD. C'est fantastique, ce festival pour ça. C'est peut-être mon festival favori en France. Ok, bah me tarde de le faire alors. Tu m'as encore plus motivé. Alors, après, t'as un autre festival, mais bon, c'est pas jeu de société ni BD qui se passe en plein milieu de la ville. C'est le RPGers. C'est un festival jeu de rôle qui se déroule tout le week-end dans une petite ville dans le Gers. Et c'est assez sympa. D'accord, ok. Aussi, après, c'est jeu de rôle, quoi, vraiment. Oui, voilà, c'est majoritairement jeu de rôle. Même si tu vas trouver des jeux de société dans la salle des fêtes. Mais voilà, alors tu vas trouver jeux de société. Tu vas trouver également des vrais jeux de plateau à la Warhammer, Warhammer 40 000, et jeux de rôle. Ok, cool. Ça, à la rigueur, si ça t'intéresse, je t'embarque l'année, je t'embarque en août et on se le fait à deux si tu veux. Ou à quatre, s'il y a ta femme qui veut t'accompagner, la mienne aussi. À voir, car ça peut être une idée. Enfin, on va en reparler. On va en parler. Mais hors podcast, parce que. On s'écarte du sujet, je crois. Je pense qu'en 7 minutes, on s'est déjà bien écarté. Donc, comme d'hab, quoi. Voilà. Donc, on remet les choses sérieusement et c'est parti pour le petit jingle, le CNews. Allez, donc, sérieusement, cette fois-ci, on va commencer. On va parler du palmarès du FIBD. Et on va peut-être commencer par le Fauve d'Or. Donc, c'est le plus gros prix. C'est le prix du meilleur album. Et ça s'appelle L'Accident de Chasse. C'est scénarisé, j'ai envie de dire, par... j'ai perdu la chose. Landis Blair. Attends. Voilà, j'ai perdu la chose. C'est scénarisé ou dessiné par Landis Blair et c'est scénarisé par David L. Carlson. L'éditeur, c'est Sonatine et il est paru le 27 août 2020. Et au niveau du scénario... c'est Chicago 1959 quand le jeune Charlie emménage chez Matt, son père aveugle. Hein, il est persuadé que celui-ci a perdu la vue à cause d'un accident de chasse. Mais le jour où un flic sonne chez eux, Matt choisit de révéler la vérité. Inspiré de faits réels, L'Accident de chasse est un bel hommage à la puissance du roman noir et à la grandeur de la littérature. Donc voilà, ça c'est le premier prix. Alors, inutile de vous dire que personnellement, je ne connais pas. Hein, je n'ai jamais lu. Moi non plus. Ouais, toi non plus. Alors, Sur le site du Festival d'Angoulême, il y a les graphismes. On est vraiment dans le polar noir. Hein. C'est, même graphiquement, c'est bizarre. Mais voilà, pourquoi pas. Je le lirai peut-être si je le trouve à la médiathèque proche de chez moi. Ça a l'air intéressant. L'histoire a l'air cool. Après, le dessin, j'aime un peu moins, mais c'est vrai que l'histoire a vraiment l'air intéressante. Bah écoute, à essayer, pourquoi pas. C'est carrément. Alors, le deuxième prix, c'est le prix spécial du jury, et ça a été donné à Dragman, et c'est scénarisé et dessiné par Steven Appleby. Alors, Dragman n'est pas un super-héros comme les autres. Pour être capable de voler, il doit se déguiser en femme, mais il n'a pas envie de ternir sa réputation d'homme marié et bon père de famille, même s'il adore se transvestir. Cruel dilemme pour le héros de cette fantasy à l'esprit typiquement british, qui renouvelle avec humour le genre super-héroïque. Bon, graphiquement, ça me donne beaucoup moins envie. Je trouve ça un peu moche. Le concept est drôle. Le concept est drôle, mais pareil, les dessins ne m'attirent pas du tout. Non, là honnêtement, c'est pas ça. Alors, l'éditeur, c'est De Noël Graphique, et ça a été paru en septembre 2020, mais ouais, non, là, graphiquement, ça a vraiment un style particulier. Alors, le prix de la série a été décerné à Paul à la maison, où ça, je sens un titre bien français qui a été inspiré du confinement. Je le sens à peu près comme ça. Alors, scénarisé et dessiné par Michel Rabagliati, éditeur Pastèque. Ah, je parlais trop vite. C'est pas français, c'est canadien. C'est canadien, et ça a été paru le 10 janvier 2020, donc ça n'a pas été inspiré des confinements. Alors, Paul n'a pas le moral, sa femme l'a quitté, sa mère est gravement malade, il ne voit plus guère sa fille, la cinquantaine l'a rattrapé, une saga du quotidien écrite et dessinée par un auteur québécois, dans laquelle la mélancolie se teinte d'humour pour raconter sa vie, et qui va... et dont le sixième tome a obtenu le prix du public Angoulême en 2010. Ah, donc en fait, c'est une longue série. Après, graphiquement, c'est peut-être ce qui m'attire le plus sur les trois qu'on a pu parler. Ouais, carrément, moi aussi. Franchement, là, je pense que c'est typiquement le genre de BD que je pourrais feuilleter. Soit en fait, me prendre pour moi, soit en médiathèque, soit même en boutique, quoi. Visuellement, déjà, c'est... Plus que quelque chose qui m'accroche. Après, histoire du quotidien, j'aime moins en général dans les BD, mais pratiquement, c'est très beau. Alors, le prochain prix, c'est le prix Révélation, et ça a été décerné à Tonz. Donc, Tonz, qui est dessiné et scénarisé par Moran Mazar, et ça a été paru le 28 août 2020, et c'est l'éditeur, c'est le Lombard. Alors, à travers le parcours d'Uli, un danseur allemand qui s'installe à New York pour satisfaire sa passion de la comédie musicale, Tonz évoque l'Amérique des années 50 en proie à des bouleversements culturels et sociaux, une ode à la fluidité des corps et à la beauté de la danse, magnifiée par un trait épris de liberté et par des couleurs éblouissantes. Donc voilà, l'autrice et donc dessinatrice est jeune, elle est née en 91 et elle est du coin, enfin presque, elle est de Toulon. Donc voilà, graphiquement, c'est pas mon truc, mais non plus. C'est très coloré, on dirait ce sont de l'aquarelle comme ça, ça rend très bien, mais c'est pas une gamme qui m'attire. Oui, je suis à peu près d'accord avec toi. Et par contre, je serais bien curieux de la suivre et pour savoir comment elle fait ses dessins. Donc voilà. Par contre, tu vois les décors, quand tu prends les décors purs et durs, pas forcément les personnages, je trouve ça magnifique. Ouais, les décors, ça fait vraiment tableau, je trouve. Ouais. Ça fait des tableaux, ça rentre très bien sur les pages uniques. Après, quand elles sont découpées, j'aime moins. Sur les personnages et... À voir. À surveiller en tout cas. Alors, Le prix jeunesse, 8-12 ans. Ah, mais c'est ton âge, ça, Baptiste. Âge mental, c'est un peu au-dessus de ce que je possède, quand même. Ça a l'air très mature pour moi. D'accord. Bon, ben, écoute, c'est le Club des Amis, tome 1, dessiné et scénarisé par Sophie Gurive, éditeur édition 2024, paru le 6 septembre 2020. Ah, mais c'était à ce moment-là où tu es rentré au collège. C'était pas la rentrée des collèges le 6 septembre ? Si, je crois. Ouais. J'avais soutenu une classe même. Alors, avant d'être un plantigrade philosophe, l'ours Tulipe a un jour été un ourson. Sophie Gurive imagine ici de courtes aventures tendres pour son attachant héros et ses amis, Crocus le serpent et Violette l'oiselle, à la destination des enfants. Voilà qui donne envie d'hiberner au coin du feu et de découvrir d'où vient l'étrange du dégel. Bon, graphiquement, c'est pas ça. Je pense que ouais, c'est proche à du bois. Je pense qu'on n'est pas le public vraiment. Et c'est bien pour les dessins que pour l'histoire. Non, on va passer à autre chose parce que je risque d'être méchant. Donc, next. Donc, après, c'est le prix du patrimoine qui a été délivré à l'éclaireur. Donc, c'est scénarisé et dessiné par Lynn Ward. L'éditeur, c'est Monsieur Toussaint Louverture, paru le 22 octobre 2020, donc pionnier du roman graphique, admirateur des gravures sur bois de France Masseril, Lynn Ward exprime ses convictions sociales dans les histoires muettes en images qui pourfondent la brutalité du système économique américain. Ce coffret de 3 volumes regroupe 6 romans sans parole, enrichis d'essais de l'auteur et d'une postface d'art Spiegelman. Alors, graphiquement, j'aime bien. Graphiquement, j'aime énormément. Je crois que j'ai très peu lu de romans sans parole. Je sais pas si on peut dire lire, du coup, vu qu'il n'y a pas de parole, mais voilà. Mais visuellement, ça m'attire énormément. Je pense que je vais suivre parce que, enfin, je vais y penser dessus parce que vraiment, ça m'attire. Non, honnêtement, ça, c'est graphiquement, c'est waouh. Honnêtement, c'est magnifique. Ouais, vraiment, c'est que des tableaux, quoi. Franchement, genre, t'as l'impression de te balader dans une exposition, quoi. Mais c'est à peu près ça. Franchement, je suis là, franchement, pour l'instant, je vais, gros coup de cœur, je vais me renseigner parce que... Et je vais faire de même. Je vais m'enseigner également. Le prochain prix, c'est le prix de l'audace qui a été décerné à la mécanique du sage. Donc dessiné et scénarisé par Gabriel Piquet. L'éditeur, c'est Atrabile. Ça a été publié le 17 janvier 2020. L'as de l'oisivité. Trop bas. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour être heureux. Charles Hamilton, richissime héritier et l'as de l'oisivité. La vérité est ailleurs. Pour combler ce vide existentiel qui le désespère, il aurait besoin d'un sage, d'un très léger et lumineux. Gabriel Piquet dresse un réquisitoire contre notre obsession du bien-être et notre quête du bonheur. Je suis pas convaincu du thème ni par le dessin. Voilà. Ouais, tu le dis plus. Ouais, tu le dis. Je n'ai pas d'opinion. Voilà. Donc, on va passer au FOF Polar SNCF parce que FUBD la SNCF est partenaire depuis des années du FUBD et donc là c'est leur prix et ça a été déterminé, ça a été donné à Ghost 111 ou Ghost 111. Donc dessiné par Marion Mousse et scénarisé par Henri Scala, édité chez Glénat et c'est sorti le 11 mars 2020. Alors, Goran Stanković est un père de famille attachant, embarqué par les flics pour avoir accepté un job illégal. Il rejoint malgré lui les rangs des indiques. Servi par un dessin expressif, cette fiction réaliste a été scénarisée par Marc Xersal, venu de l'audiovisuel, et Henri Scala, un authentique commissaire. Pardon. Une immersion aux troubles dans le quotidien des informateurs de la police. Graphiquement, ça m'attire. Et en vrai, je suis sérieux. Je suis curieux. Moi aussi, le thème a l'air intéressant et les dessins passent très bien. Ouais, ça m'attire aussi. Alors, prochain prix, c'est le prix de jeunesse 12-16 ans. Donc, on va être peut-être un peu plus concerné par ça. Et ça a été donné à un scénariste de comics. Donc voilà, alléluia. Donc, ça est Middle West. Scénarisé par Scotty Young, dessiné par Rory Corona et colorisé par Jean-François Beaulieu, édité par Urban Comics et paru le 11 septembre 2020. Abel vit avec un père tyrannique qui, un soir de colère, se transforme en démon et manque de le tuer. Confronté à une force trop puissante pour lui, Abel fuit et est recueilli dans une fête foraine, mais son père est à ses trousses, ambiance magicien d'Oz à la sauce Stephen King pour cette quête d'identité, de design ébouriffant, un comics haletant. Bon, bah, moi, carrément, je pense que c'est avec. Je pense que c'est un truc qui m'attire énormément. J'adore les dessins et l'histoire très bien. En même temps, 12-18 ans, on vise dans mon âge à peu près. Hein, voilà. Et, oui, c'est vrai. C'est vrai. Toi qui viens d'entrer au lycée. Non, t'as eu le collège tout à l'heure. J'ai le collège, mais j'ai redoublé beaucoup de fois, du coup je suis 12-18. D'accord. Et c'était 12-16, pas 12-18. Ah mince, zut. Donc voilà. Donc le prix de la bande dessinée alternative. Alors ça, je crois que c'est un nouveau prix parce que je ne l'avais jamais vu avant. Bref. Voyons voir si. J'ai des infos. J'ai pas d'infos. La BD s'appelle Kutikuti, Fic Book of Kuti, et c'est un livre finlandais. La cover est bizarre. Ouais, ça. Ça a l'air sous drogue. Hein. Non, mais ça a l'air très. Ça a l'air très perché. En tant que bande dessinée alternative, forcément. Oui, c'est pas faux. C'est le thème, quoi. Oui, voilà. Là on est vraiment dans l'alternatif. Le fauve des lycéens. Alors, là, le fauve des lycéens, c'est un. La personne qui l'a gagné, je l'ai lu dernièrement, c'est une super BD que je conseille énormément, j'en ai parlé sur l'Instagram. Donc le fauve des lycéens, c'est Podom qui a gagné ce prix là. Donc c'est scénarisé par Hubert et dessiné par Zanzim. Ça a été paru le 3 juin 2020. Et c'est juste génial. L'éditeur chez Glénat, dans l'Italie de la Renaissance, une jeune fille revêt une peau d'homme qui lui permet de s'introduire dans la société masculine et de mieux connaître son futur mari. Une fable qui interroge sur divers thèmes à la résonance contemporaine, comme le genre, la domination des hommes sur les femmes et le poids de la morale sur la sexualité féminine. C'est waouh, j'ai adoré. Graphiquement, on s'y habitue très vite. J'ai adoré. Je l'ai emprunté à la médiathèque et personnellement, j'hésite de me le prendre tellement que j'ai trouvé ça juste génial. Le dessin, c'est bizarre, mais on a vu, on se tape de vite. Ouais. L'histoire a vraiment l'air cool. Non. Et tu lis ça d'une vitesse. D'accord. Non, franchement, c'est une excellente BD. Je conseille fortement, mais quand je te dis fortement, c'est ouais, Non, non, faut foncer, c'est juste génial. Donc, non, non, c'est vraiment génial de chez génial. Donc, faut foncer là. Ok. Alors, le dernier prix, donc, c'est le prix du public France Télévisions. Et c'est la BD Anaïs Nin sur la mer des mensonges qu'il a gagné. C'est scénarisé et dessiné par Léonie Bischoff, l'éditeur c'est Casterman, et ça a été paru le 26 août 2020. Anaïs Nin est l'une des personnalités les plus fascinantes du XXe siècle, en plongeant dans ses œuvres, son journal intime et sa correspondance avec Henry Miller, Léonie Bischoff, puisse librement dans la sensualité de cette matière intime et littéraire. Les vibrations de son crayon à la mine multicolore font revivre l'artiste et célèbre à travers elle l'émancipation de la création. Et graphiquement, ça a l'air d'être bien. Je suis assez fan. Ouais, j'aime beaucoup les décors. Pour voir les décors et les illustrations. T'as pas de personnage justement. Les vagues et tout sont vraiment hyper bien faites. J'aime beaucoup les couleurs utilisées. Non, non, c'est. Alors ça, je vais peut-être me le lire. Franchement, si j'arrive à me le trouver, je me le prendrai et je pense que je kifferai bien. Donc voilà. Globalement, comment t'as trouvé ce. Bah, c'est rare que je regarde les. Enfin, je crois que c'est la première fois que je regarde le palmarès complet où je me renseigne sur ce qui est sorti. Mais ouais, il y en a deux, trois qui ont vraiment retenu mon attention, particulièrement L'Éclaireur, la série de romans sans parole, et Middle West, qui du coup, je pense, je vais essayer de les lire, de les acheter. C'est vraiment. Les deux ont vraiment l'air intéressants. Alors, et toi ? Moi, j'en ai lu une au moins, c'est Podom, et honnêtement, je pense que ça aurait mérité même le Fauve d'Or tellement que j'avais kiffé la chose. Donc voilà. Après, c'est vrai que Ghost Sounds, Anaïs Nin, Middle West, c'est des choses qui pourraient m'attirer. Pareil, L'Éclaireur pourrait également m'attirer. Mais voilà. En tout cas, je note que tu ne veux pas le Club des Amis pour ton anniversaire. Ça, désolé, je pense que j'ai peur de pas tout comprendre. J'attends un petit peu avant de me le prendre. Ok. Bon, ben écoute, c'est noté, j'attendrai plus tard alors. Ah, du coup, c'est comment dire ça, quoi ? Aucune idée. Je t'ai annoncé ça comme ça, mais non, mais voilà. Après, on peut faire le test inversé, hein. C'est quoi mon anniversaire ? Toi, je dirais que c'est entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ah, t'es proche quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal, t'as vu ? Ah, je suis assez... Mais je crois que c'est plus proche de décembre que de janvier. Non, là par contre, c'est froid. C'est froid. Ouais, c'est froid. Donc voilà. Écoute, on va essayer de se trouver un petit jingle France Info et on va pouvoir attaquer le prochain sujet. Donc, une fois qu'on a parlé de tous ces prix, qu'on a su bien parler en quelques minutes, l'émission avance vite, on va parler du marché de la BD en 2020, parce que les chiffres sont tombés dernièrement, ils étaient disponibles chez Livre Hebdo, qui a commandé leur étude, alors j'ai plus le nom du site, ils ont demandé ça chez GKF, il me semble, chez GFK, j'y étais presque. Donc voilà, et je dois dire que j'étais assez étonné de ça. Alors, globalement, il faut savoir que le marché du livre a chuté de 4,5% en 2020. Alors, Ça, on peut l'expliquer facilement avec les restrictions des déplacements, la fermeture des librairies, les protocoles sanitaires stricts et compagnie. L'épidémie de la COVID-19 a eu un lourd impact sur les ventes des livres en 2020. Donc voilà. Alors ça, c'est pour les livres, mais là où c'est plus intéressant et qui nous touche beaucoup plus, c'est que en fait, si les livres se sont très mal portés, la bande dessinée, les mangas et les comics ont battu tous les records. Il y a eu une augmentation de 9% sur les ventes avec 53,1 millions d'exemplaires achetés par les Français. Donc, c'est très bon. C'est bien. Carrément, oui, ça fait plaisir à entendre. Ben ouais. Enfin, franchement, bon, nous, c'est... après, pour les autres domaines, ça fait chier, mais... Écoute, c'est comme ça. À savoir que... donc, il y a eu une augmentation de 9%. En 2019, il s'était vendu 48,5 millions. On peut voir que que tout ce qui était confinement n'a pas gêné les ventes. Alors, peut-être pour plusieurs raisons. Lors du premier confinement, beaucoup d'éditeurs proposaient des tomes 1 gratuitement. Isneo a fait beaucoup également pour ça, donc là-dessus c'était très bien. Et voilà, donc ça c'est vrai que ça a pu limiter pas mal la casse, à savoir que 65% des achats de BD sont destinés à des moins de 30 ans. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui est pas mal. Donc voilà, c'est des bons chiffres, honnêtement c'est bien. Ça fait plaisir à entendre. On me dit que quand on pense en période de Covid, tu dis que tout a baissé, quoi. Enfin, tout a baissé, les ventes et tout. Là, au moins. Ben ouais, mais voilà. Un livre sur 5 de vendus est une BD en France, du coup. Ok. C'est classe. Que BD ou ça compte manga aussi quand tu dis ça? Que BD. Non, c'est BD de manière générale. Ça prend en compte tout. Très bien. Donc voilà. J'avais les chiffres, je les ai plus, j'ai supprimé la page comme un idiot. Essaye de meubler, je vais essayer de retrouver les proportions. C'est sympa, toi. Ouais, je suis sympa comme ça. Non, sympa, parce que du coup, je suis de mon côté. Moi, j'attends pour reprendre la parole pour parler du top manga et tout. Mais on va attendre un petit peu, du coup, avant d'en parler. Ben oui, essaye de meubler, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Putain, tu fais chier. Tu veux pas mettre un jingle et on cut? Non. Bah, on cut jamais chez nous, voyons. Ça n'arrive pas. Oui. C'est des choses qui n'existent pas. Alors, attends. Je crois que... Non, j'ai... Alors, attends. Essaye de meubler 2 secondes encore. Bah, 2 secondes, ça va, c'est pas grand-chose. Après je pense aussi qu'en plus des tomes Isneo, les gens qui ont confiné, bah, ils ont dû mater plein de mangas sur les plateformes de streaming. Du coup, ça va peut-être donner envie de mater d'acheter les mangas d'origine. Peut-être. Par exemple, tu vois, moi, genre, pendant le premier confinement, je me suis saigné les Jojo Bizarre Adventure et du coup, j'ai eu envie de me les acheter. Oui. Je pense qu'aussi, ça a dû jouer sur ça, en plus de ce que tu as annoncé toi avec les Isneo qui a offert pas mal de tomes 1. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pu aussi, c'est confiné, ils ont maté des animés sur les plateformes qu'ils avaient chez eux. Et vu qu'ils avaient du temps, ils ont peut-être maté des trucs qu'ils n'avaient pas forcément le temps ou qu'ils ne prenaient pas le temps de mater. Et du coup, ils ont kiffé l'animé. Du coup, ils ont dit, vas-y, on va acheter le manga papier. Dès qu'on pourra. Peut-être pour ça aussi que ça permet de faire des bons chiffres malgré la situation. Alors, savoir que... ceux qui est le plus acheté en France reste la BD franco-belge. Une BD sur 2, c'est de la franco-belge quasiment, avec 52% de part de marché en France. 42%, c'est des mangas. Il y a eu une grosse croissance de près de 18% apparemment d'après les chiffres. Et 6%, c'est les comics qui se développent tranquillement, mais sûrement. Donc là-dessus, c'est pas mal. En ce qui concerne les BD franco-belges, on va dire même les BD hors manga, en ce qui concerne le top 10, on peut retrouver Les Vieux Fourneaux, tome 6, Mortel, Adèle, donc de la 9e à la 6e place. À 5e place, on a les Sisters Best Of. 4e place, Astérix, la fille de Vercingétorix. 3e place, Les Aventures de Blake et Mortimer. Alors ça fonctionne toujours autant, je dois avouer que j'en ai jamais lu un seul. Le deuxième, et je suis assez étonné parce que je m'attendais à le voir plus à la première place, c'est L'Arabe du Futur, le tome 5, donc qui retrace la vie de Riyad Satouf entre 92 et 94. Et à la première place, c'est Les Aventures de Lucky Luke, d'après Maurice, un tome 9, un cow-boy dans le coton. Et je suis étonné. Honnêtement, je ne m'attendais pas à voir Lucky Luke en première place. Pareil, je suis sur le cul. Je pensais que c'était une blague au début, en fait, non. C'est... Donc voilà, ben écoute, maintenant tu peux nous parler du top 10 côté manga. Bah, le top 10, je ne l'ai pas, mais j'ai la plus grosse vente, qui était une belle surprise. Bah, attends, je vais peut-être te donner le top 10 parce que moi, je l'ai. Ah, ben vas-y, je t'en prie alors. Excuse-moi de te couper. Donc, à la 10e place, nous retrouvons le 11e tome de Dragon Ball Super. À la 9e et à la 8e place, c'est One Piece, donc le tome 94 et 95. La 16e place, on retrouve My Hero Academia. Belle performance de My Hero. En 5e position, nous avons le tome 93 de One Piece. Non, pardon, à la 6e position, le tome 93 de One Piece. À la 5e position, le tome 3 de Naruto. En 4e position, le tome 10 de Dragon Ball Super. En tome 3, nous retrouvons enfin Demon Slayer, tome 1, qui a été réédité tardivement par Panini. Mais bon, on ne va pas encore une fois frapper sur eux. Et aux deux premières positions, nous avons... c'est à moi. En deuxième position, nous avons Jujutsu Kaisen. Alors, non, moi j'ai Naruto, tome 2. Ah bon. Et la première position, c'est Naruto, tome 1. Naruto, tome 1. Voilà. Mauvaise information, mauvaise source. Du coup, Naruto, top 1. Voilà. Très belle surprise pour un manga terminé en 2016. Alors. Oui, mais non, il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer ces choses-là. Donc, certes, Naruto, c'est vieux, mais le manga est diffusé sur ADN, Netflix, Prime Video, TFX, et on peut le retrouver également sur YouTube. C'est devenu un classique et incontournable. Tout le monde le connaît. Les jeunes le connaissent vis-à-vis peut-être de Boruto. C'est une série qui est assez longue, mais franchement, peut-être que le confinement a donné envie de se replonger. Hachette est en train de publier toute la collection des Naruto, donc ça aussi, ça peut-être pu donner l'envie aux jeunes de s'y remettre. Et à savoir que Naruto fêtera ses 20 ans en 2022. Donc on peut s'attendre à pas mal de choses. En France, Naruto reste le manga le plus populaire avec plus de 18 millions de tomes vendus. Ah oui, quand même. Je te mets sur le cul, là. Ah, là, tu m'as mis sur le cul, oui. Après, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est j'ai quasiment acheté tout le top 10. À part les Naruto que j'avais déjà, mais... Alors, voyons voir. Dragon Ball Super, j'ai pas pris parce que j'attends de finir les Dragon Ball. One Piece, j'achète pas. My Hero, j'achète. C'est le seul que j'ai pas acheté. Et Demon Slayer, j'achète. Donc, non, moi, je suis un très, très mauvais élève. Ah ouais. Bah après, moi, Naruto, je les ai achetés quand ils sortaient. Du coup, après, sinon, tout le reste, je les ai achetés cette année. Je pense que je suis dans un bon. J'ai bien participé à ce top 10. Donc voilà. Alors, côté comics, on n'a pas beaucoup d'informations. Mais apparemment, d'après toujours livre Hebdo et GFK, la BD, enfin le comics qui s'est le mieux vendu reste Walking Dead. Donc voilà. C'est toujours le comics le plus vendé. Le plus vendé? Ouais, le plus vendé, c'est très français. Vendé à côté de Maine-et-Loire, pour ceux qui ne savaient pas, département 85. Donc voilà. Ça, c'est. Je savais pas. Honnêtement, je savais pas du tout. Que c'était toujours le top 1 ou que la Vendée, c'est le 85? Non, que Myro, enfin pas que Myro, merde. Que Walking Dead. Que Walking Dead continue à toujours aussi bien se vendre. Bon, après, je crois que le comic s'est terminé l'année dernière, donc il n'est pas si vieux que ça non plus, quoi. Allô? Oui, non, mais je pensais que t'allais, je voulais pas te couper, je pensais que t'allais dire un truc et je pensais que ça avait buggé aussi. Oui, ça m'étonne que ce soit toujours autant vendu, même si, comme tu as dit, la fin est assez récente. Mais ouais, non, voilà, je suis étonné. Bon, ben voilà, ça me rassure, il n'y a pas que moi. Donc, après le jingle BFM, CNews, France Info, il reste quoi, j'ai envie de dire. RTL ? Non, pas RTL. On parle de chaîne info à la télé. J'ai pas la LCI. LCI, nous. LCI. Reste. Donc, après ce jingle LCI, nous allons attaquer la dernière partie. Et nous revoici donc pour cette toute dernière partie. C'est peut-être la partie la plus lourde parce que on va revenir sur un sujet qu'on a déjà abordé l'année dernière. C'est la précarité au niveau des auteurs. C'est quelque chose qui est là depuis un petit moment. Et voilà, beaucoup d'auteurs de BD n'arrivent pas à vivre de leur métier. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez ahurissant. Les contrats, c'est de la merde et compagnie. Mais voilà. Alors, éventuellement, avant de parler purement des auteurs de BD, j'ai trouvé un graphique qui dit sur un livre vendu 22 euros, donc prix moyen, qui touche. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc c'est sur un livre vendu à 22 euros. C'est un roman, c'est pas une BD. Hein, parce que forcément, si on parle de BD, généralement il faut partager le prix de l'auteur quasiment par deux. Donc une librairie va toucher 36% du prix du bouquin. Donc si le livre est vendu 22 euros, la librairie va toucher 7,92. Le distributeur, donc généralement c'est Hachette, hein, parce qu'ils sont assez surpuissants sur le marché de la distribution, eux se touchent 20%, soit 4,40€. L'éditeur, donc Folio, Pocket, etc., etc., eux se touchent 21%, soit 4,62€. Et après arrive l'imprimeur, donc 15%, lui se touche 3,30€. Et on termine enfin avec l'auteur qui touche que 8%, 8% donc qui est égal à 1,76€. Donc encore une fois, si on a un scénariste et un dessinateur, on peut quasiment diviser ce tarif par deux, donc ça ferait du que je dise pas de bêtises, 90 centimes par personne. Ouais. Mais c'est marrant, le graphique que j'ai trouvé, moi c'était 22 euros, c'est quasiment les mêmes chiffres, mais ouais, et t'as oublié une partie de TVA. Bon. Oui, bon, y a TVA également, mais bon, dans ces cas-là, il faut aussi relativiser les choses en ce qui concerne les libraires, parce que les libraires, eux, ils ont le personnel, ils vont avoir aussi des locaux à payer et compagnie. Donc, que le libraire touche la plus grosse partie, c'est pas quelque chose qui m'étonne. Moi non plus, c'est tout à fait justifié. Mais c'est vrai que l'auteur, qui est quand même la première pierre, quoi. Sans ça, il n'y a pas tout l'autre système qui se met en place, qui touche la partie la plus faible avec l'imprimeur. Je ne pensais pas qu'il touchait si peu par livre vendu. Alors, après, ça, c'est un prix moyen. Parce que oui. Y a pas mal de contrats qui disent qu'à partir d'une vente, d'un certain nombre de ventes, l'auteur va toucher plus d'argent. Alors, j'ai vu une autre étude où l'auteur touchait 6%, mais à partir de 30 000 ventes, il touchait 8 000. Ouais. À partir de 40 000, il touchait 10%. Et puis, ça allait jusqu'à 12% du roman. Mais bon, il faut atteindre les 50 000 ventes. Et honnêtement, je ne vois pas qui peut se targuer de toucher 50 000 ventes. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc là, c'est pour ça que la plupart des personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, c'est assez dramatique là-dessus. Seuil de pauvreté, donc je regarde le seuil de pauvreté en France quand même pour que tout le monde puisse se dire « Ah ouais, quand même, c'est violent. » le seuil de pauvreté, c'est 1228 euros par mois. Donc, à savoir que le SMIC mensuel en France est de 1219 euros. Donc, la plupart des SMICards vivent sous le seuil de pauvreté, mais ils ne sont pas forcément très loin, ils sont à 8 euros. Donc voilà, la plupart des auteurs, eux, ne gagnent pas 1200 euros. La plupart vivent beaucoup, beaucoup plus bas, en fait. Hein. Donc c'est quelque chose qui est assez dramatique, malheureusement. C'est un problème. À chaque fois que j'ai eu un auteur, enfin à chaque fois qu'on a eu un auteur sur cette émission, la plupart des personnes le disaient également que c'était quelque chose qui fait mal au portefeuille. Il y en a qui vivent très bien parce que ce sont des stars reconnues, mais quand on n'arrive pas à s'exporter ou qu'on n'arrive pas à être une star, et ben on morfle tout simplement. Je pensais pas. Enfin, tout ce que tu me dis là, ça me choque. Je pensais pas que le. Donc. C'est une telle situation. Alors, je suis en train de chercher d'autres chiffres pour étayer un peu la chose. Mais ouais, je crois qu'il y en a même pas mal qui vivent en dessous de 1000 euros par mois. Et le problème, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont au niveau. Alors voilà, j'ai les chiffres. Pas 53% des auteurs gagnent moins que le SMIC et 36% d'entre eux vivent en dessous donc du seuil de pauvreté. Bon, on a vu que le seuil de pauvreté c'était quasiment le SMIC. Donc voilà, c'est quand même assez dramatique. Lors des états généraux, c'était l'année dernière, une grande auteure confirmée explique ainsi sous le couvert de l'anonymat: je n'ai pratiquement jamais eu le droit d'auteur à proprement parler, dans la mesure où ce n'est arrivé que sur un ou deux titres que les ventes remboursent l'avance. Une pression qui oblige à travailler vite, indique une autre. En gros, tu fais un album pour 6000 euros, donc il ne faut pas que tu y passes un an. Donc, sur un album, tu gagnes 6000 euros. Donc, ouais. C'est-à-dire que si on fait 6000 divisé par 12, tu arrives à 500 euros par mois. Ouais, il faut que tu sortes minimum, même si tu sors 2 albums par an, tu n'es même pas au seuil de pauvreté. Voilà. Donc, après, à savoir que le marché a une surproduction, il y avait en moyenne 1137 en 2000. En 2018, on avait 5300 nouveautés. Donc, comment un nouveau auteur ou un nouveau dessinateur ou autrice, dessinatrice, hein, c'est pas vraiment la question, peut sortir du lot? Bah, grâce au prix, à part ça, je pense que les prix peuvent mettre un gros coup de vente au boost. Ah, un gros coup de boost aux ventes. Donc, par rapport, on a pu voir avec Angoulême, quoi. Donc voilà. Alors, là où il y a un grand avantage, c'est que les chiffres ont battu tous les records en 2020. Donc, on peut espérer qu'il y en ait un peu plus qui puissent sortir du seuil de pauvreté. Mais voilà, tout ça, c'est quand même quelque chose qui est assez moche. Donc voilà. À savoir qu'il y a eu un appel au boycott pour le festival d'Angoulême cette année. Donc voilà. À savoir que selon le collectif Auteurs Autrices en Action, donc AAA, ils sont plus de la moitié à vivre encore une fois sous le seuil de pauvreté, alors que les ventes des bandes dessinées ont été exceptionnelles en 2020. Donc c'est toujours le même problème. Donc voilà, après encore une fois, il y a quand même un grand écart entre les stars et les autres auteurs, et là-dessus, il ne faut pas se mentir. Alors, sur un des derniers articles que j'ai pu lire, c'est une interview d'un membre de sa collectif, donc réalisée par France Info Culture, et France Info a posé comme question: combien touche un auteur par BD? Et la personne répond: la part auteur correspond en général à moins de 10% de la part du livre. Donc on y est encore sur les chiffres que j'ai dit. Quand il y a plusieurs auteurs, ils doivent se la partager. Donc, on revient encore sur ce que j'ai dit. On demande au minimum 10%. Il y a des auteurs qui travaillent un an. Sur un an, ils peuvent gagner 2 à 3 000 euros dans certains cas. Or, c'est un travail à plein temps, c'est beaucoup d'énergie, cela demande un engagement, on ne peut pas faire un autre métier à côté. Donc voilà, tout ce qu'on a évoqué avant se remonte encore une fois ici, quoi. Du coup, ça, c'est l'interview que tu as lu sur France Info. Qui a été faite. France Info, ouais. Ouais. Du coup, ça revient avec les chiffres qu'on avait, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est une catastrophe. À savoir que cet appel au boycott existe vraiment. Donc dans un autre article qui est sur le Parisien, donc je vais vous lire le paragraphe rapidement. Des voix se sont fait entendre plus individuellement, comme celle de Gwen de Bonneval et Fabien Vellman, auteur notamment de la série Seul, donc quand même une grosse série qui a été adaptée en film, qui va être disponible sur Prime Video en février. Donc en compétition cette année pour un fauve avec le dernier Atlas. L'an dernier, nous étions montés sur scène pour dire: nous n'irons plus à Angoulême, ce n'était pas des parents dans l'air, nous n'irons pas à la cérémonie ni au festival en juin. Si rien ne se passe, on a profité du Covid pour enterrer les promesses que nous avait fait donc Macron l'an dernier en venant à Angoulême. La pandémie n'est pas une excuse, au contraire, on aurait pu profiter de ce temps pour se poser et discuter, estime ce dernier. La colère est là. On ne peut pas continuer à jouer le jeu du festival, même si nous sommes bien conscients qu'il n'est pas responsable de la situation, mais c'est une vitrine et une façon de pouvoir être écouté. Donc, la grande est là. La grande est vraiment là. Pour préparer ce podcast, j'ai essayé de contacter le ministère de la Culture. Je n'ai pas eu de réponse. Bon, on est un petit podcast, je ne m'attends pas forcément à avoir une réponse de la ministre signée de sa main. Mais voilà, c'est quelque chose qui est préoccupant et qu'on parle beaucoup sur la chaîne depuis un an. Et on va continuer à en parler jusqu'en juin. On va essayer d'en parler peut-être une fois par mois jusqu'au festival. Ok. Donc voilà. Je t'ai mis sur le cul, là. Ouais, non, là, depuis tout à l'heure, je t'écoute. Je bois tes paroles depuis tout à l'heure, là. Mais ouais, c'est... sur le cul, comme tu l'as dit. J'ai pas les mots pour... Voilà. J'ai pas les mots. Donc voilà. Ben, moi non plus, j'ai plus les mots. J'ai plus rien du tout. Donc, c'est préoccupant. C'est préoccupant. C'est agaçant. Bon, d'un autre côté, nous sommes pas auteurs de BD, donc on peut pas vraiment se mettre à leur place. Hein. Là-dessus, il faut être très très conscient également. Hein. On n'est pas là pour se dire qu'on est à leur place et compagnie, mais la situation est préoccupante et c'est très inquiétant, quoi. Donc voilà. Ben, je pense que sur ce, on va rendre l'antenne. Ouais, je pense, parce que là, je vois pas comment on pourrait relancer le sujet. Le sujet, ouais. Eh bien, écoutez, pas pour manifester, mais pour marquer peut-être notre soutien, cette fois-ci, ben, on va peut-être terminer le podcast comme ça, sans musique, sans rien. Et puis, sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous quand même une bonne journée, une bonne soirée. Puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau débat comics. Bonsoir et bonne soirée, bonne journée à toutes et à toutes. Pensez à lire, surtout pour soutenir ce qu'on vient de dire.